À l'occasion du 57e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sun Gun par le général Kim Jong-il, les médias de divers pays ont présenté les articles sous les titres comme « Journée de Sun Gun de la Corée » et « Aspect de la Corée en progrès au fil des jours ». Le journal pakistanais Election Times, le journal Zabutra, les pages internet Amour Press et Patrioti Moskva de Russie ont exalté les exploits immortels du général Kim Jong-il accomplis dans la direction de la révolution de Sun Gun, en notant que son inspection de la division de chars 105 du Yongsu Kuni-Séoul de l'armée populaire de Corée, le 25 août 1960, était un événement de grande portée. La radio nationale cambodgienne a présenté que la Corée a renforcé fermement sa dissuasion nucléaire autodéfensive face à la menace et au chantage nucléaire continu des États-Unis et que c'est un grand résultat de la volonté immuable de Sun Gun et du courage sans pareil de son Excellence Kim Jong-il.